Altero, MC Recta. En bref, 17-7-N. Coup de bien sur les nerfs, aïe. La bague, c'est bouffon armé de colt. Les bavures semidières donnent la haine qu'ils récoltent. Je me révolte, ma commande en tête un guévier. Ignorant au pouvoir, ils veulent tous nous défier, se méfier. Je suis juste MC, je suis pas mafieux. Pourquoi mon quartier va mal, demande à Panafieux. C'est pas mes vieux qui en France n'ont pas le droit de voter. Le Pen nous a dit pour nous n'y mettez plus vos pieds, suspect. Comme un curé devant une crèche, écuré par ces hommes religieux qui violent les prêches. Vois les dèches pour oublier, fume ton DJ. Je veux des millions sans faire une merde, je dois piger l'envie que j'ai. Les principes que j'ai fixés, ça pue sur les ondes FM, j'en suis asphyxié à l'excès. L'Occident nous perd sur le ciment, alors on pose des bonbons guise de remerciement. Qui veut aller loin, doit ménager ses nerfs. À la frange, dis merde, et non pas mille merci. Nouveau millénaire, entre la nonchalance, l'inertie. Défier la nervosité, manche à l'ange. J'serre les dents, les phalanges, la tête trop pleine. Je flanche sous une avalanche de problèmes. Meilleur vœu aux deux tensions, aux nerveux en détention. Scarla aux prolétaires coléreux qui provoquent des dommages collatéraux derrière eux. Le seum à l'intérieur dans les veines flégons. Surdimensionner la rage féconde dans le thème et l'ADM. On s'en sort rarement indemne. Moi je canalise pas au cannabis. Sans froid, pas facile à tempérer. On s'étend terrible, pire que les intempéries. Ça semble atroce. Les raisons de garder mon calme, j'en ai 114. Ça met les nerfs de voir que l'Occident nous nargue. Que malgré la mer, c'est dans la merde que les comores nagent. Du bonheur nous prend large, on prend de l'âge. Mais rien ne change, sauf le taux de la misère de chômage qui monte en flèche. Tellement déception de se lever, on a la flemme. La flamme, l'espoir s'est éteint. J'accuche est un état de cet étreint. D'avoir accouché de l'amertume qui nous a atteint. Et ouais, dans l'attente d'amour qu'on veut connaître avant la mort. Difficile qu'on habite à proximité des portes. Si des porcs qui visent tête et poumons, M colle pour nos parents montent. Savoir la vue de leur enfant en leur seconde, c'est douloureux. Ils se croient doués avec leur réconfort douteux. Dans leur monde, y'a rien de doute, j'ai aucun doute. C'est pour ça que la haine est mon double. Que mon rap, c'est le but, tu mets ses troubles. La froisse aux enfants s'enfonce dans un trou. Où la seule corde est pour se pendre, alors on grimpe. En régnant la règle comme un daron, sa fille en apprend qu'elle fait la timpe. Sans m'en vanter ou en être fier, à mon actif, j'ai les terres des mers et des montagnes de péché. À part en cacher volontaire, involontaire. Et ici bas, moi j'ai pas vu de mélaïque à déféquer. Prendre le mic pour se la raconter ou quoi. Crotte de nez, ton peu slige, m'en bats assez. De mon propre cas pour m'occuper de ma famille, mes quatre femmes, de tous les ennemis de l'islam. Quand de toutes les filles de mon âme jusqu'au décès, j'espère d'Allah ce que toi tu n'espères pas. Donc je reste calme. Pour agresser, blesser ou tuer sans raison, non, je n'ai pas été créé, mais conçu pour adorer, dialoguer, donner de l'amour et aider l'opprimé. Bien trop fier pour te demander une bouée, des rimes tellement profondes. Que tu t'y noies, et toi là qui me sonde, mais ne me cerne pas une seconde. Tu te fatigues à vouloir me tester, entacher ma veste comme mes rimes que des fenêtres te violent, te casse et les cœurs te perdent. Comme un avion qui survole Manhattan, élevé, on convoite plus qu'on a quitté les couches. Être typé africain, on est peu recommandable. Pour tes gosses, pour tes jobs, de quoi péter un câble. Nous ont dit foutu, proviseur et commissaire. 24 piges à peine, on veut m'entourer d'après funéraire. Resté par les vigiles dans des supermarkets. On est suspect comme une plaque 7-5 dans le 13. Mec, mec, la haine, on l'a depuis l'enfance. On traîne les préjugés, nique sa mère si je t'offense. En face, un tiers monte toujours ensanglanté. Bouche à Chirac, slip, un semblant de paix. Pareil qu'on fout la merde et qu'on a ça dans les veines. Âme de combattant, je fuck leurs idées malsaines. Sur les nerfs, certes, je garde aucune rancune. Ils paieront l'addition, au comptant, sois-en sûr. Le rap se prostitue comme à la porte dauphine. On substitue un procédé anti-dep sous morphine et morphile. Frime pas avec tes remjets, j'ai tes bling bling et tes putains de jet jet. Hachèque trop de putes dans les BM Cosmer. Les commères guettent, les big graveurs de grosse merde. Air dans la zone, esquivant les mauvais oeils. Un gros roi des fuck tous ceux qui nous en veulent. Et ouais ma gueule, je baisse les rages, des rages. Je m'arrache, éclaircis quand le temps est orageux. Y'a que dans le jean qu'on retrouve nos repères. 17 zonards, c'est son cagoule qu'on opère. Équipe sévère, venons enterrer le rap français. Enfoncer les barrages, le mic se fait froisser. Sur les nerfs, devant une descente en boule d'. Ou quand le trésor public te bouillait. Ok ok, je commence mon putain de couplet. Et les langues de pute, je viens les couper. Micro branché, v'là la voix de soprano. Sur le tatami j'ai déjà mon kimono. C'est pour les héros du 7-5 et du 7-8. En plein banlieue, je vis pas dans un F-way. Trop de faux cul, on t'a fait dans ma street. Ici ça pue la mort comme à Wall Street. Toujours vénère, la vie est trop hardcore. Sur les nerfs, mes rimes te trouent le corps. 17ZN, une équipe de soldats. Tous présents pour le EP de Richta.